Dans la série des frustrations féminines, il y en a une qui est exclusivement d'ordre affectif. En effet, c'est une grosse déception pour beaucoup d'entre nous de réaliser que l'amitié homme-femme dans le monde hétéro est impossible, ou du moins très compliquée. Assurément, ces chers messieurs n'ont toujours qu'une idée en tête, même s'ils essaient de nous faire croire le contraire. D'ailleurs, on a beau être clair, le gars finit toujours, à un moment ou à un autre, par déballer ses intentions de manière plus ou moins subtile. Cet état de choses est terrible, car il y a des hommes que l'on apprécie énormément, pour leur intelligence, leur humour, ou encore leur gentillesse, sans pour autant ressentir le moindre désir pour eux. Car oui, on peut se sentir bien avec une personne du sexe opposé sans nécessairement passer par la case « baise ». Peut-être s'agit-il d'un transfert du père, ou de la représentation du frère qu'on aurait tant aimé à moi. Toujours est-il que ce mec-là, on ne voulait pas le gâcher pour une histoire de cul qui pourrait mal tourner. On se retrouve obligé, à cause de cette ambiguïté, de mettre fin à cette relation qui pourtant nous apportait beaucoup. Ce qui est fort dommage parce qu'un ami a généralement une date de préemption bien plus longue qu'un simple amant. C'était Eben Matisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.